la chevelure. Ô toison moutonnant jusque sur l'encolure, aux boucles, aux parfums chargés de nonchaloir, extase, pour peupler ce soir l'alcôve obscure des souvenirs dormant dans cette chevelure, je la veux agiter dans l'air comme un mouchoir. La langoureuse Asie et la brûlante Afrique, tout un monde lointain, absent, presque défunt, vit dans tes profondeurs, forêts aromatiques. Comme d'autres esprits voguent sur la musique, le mien, ô mon amour, nage sur ton parfum. J'irai là-bas, où l'arbre et l'homme, plein de sève, se pâment longuement sous l'ardeur des climats. Forte tresse, soyez la houle qui m'enlève. Tu contiens, mère d'ébène, un éblouissant rêve de voiles, de rameurs, de flammes et de mâts. Un port retentissant où mon âme peut boire à grands flots le parfum, le son et la couleur, où les vaisseaux glissant dans l'or et dans la moire ouvrent leurs vastes bras pour embrasser la gloire d'un ciel pur où frémit l'éternelle chaleur. Je plongerai ma tête amoureuse d'ivresse dans ce noir océan où l'autre est enfermé, et mon esprit subtil que le roulis caresse saura vous retrouver, ô féconde paresse, infini bercement du loisir embaumé. Cheveux bleus, pavillon de ténèbres tendues, vous me rendez l'azur du ciel immense et rond. Sur les bords duvetés de vos mèches tordues, je m'enivre ardemment des senteurs confondues de l'huile de coco, du musc et du goudron. Longtemps, toujours, ma main dans ta crinière lourde sèmera le rubis, la perle et le saphir, afin qu'à mon désir tu ne sois jamais sourde. N'es-tu pas l'oasis où je rêve, et la gourde où je hume à longs traits le vin du souvenir ?